C'est avec beaucoup, beaucoup de fierté que j'accueille un ancien joueur de la NBA. On a annoncé hier que Joel Anthony, l'ancien joueur du Heat de Miami, des Knicks de New York, allait être le nouveau directeur général de la nouvelle équipe de Montréal de la Ligue de la CEBL. Et on le rejoint à Toronto. Bonjour, Joel. Salut, salut, comment ça va? Ça va bien, Joël. Je suis content de voir que ton français, tu n'as pas perdu ton français. Moi, j'étais sûr que tu parlais en anglais. Je vais faire appel à mon traducteur, mais finalement, tu as continué à parler français. Oui, c'est pas tellement fort, mais il faut que j'essaye de pratiquer mon français. Alors, c'est bon que je retourne à Montréal et j'ai l'opportunité pour faire ça. OK. Joël, si on parlait un peu de toi, écoute, les gens t'ont connu avec les Heat de Miami, avec les Knicks de New York. Au cours des dernières années, tu as travaillé pour la CEBL, je pense, pour l'équipe de Hamilton, c'est ça? Oui, les dernières 2 années, j'ai aidé avec les entraîneurs pour Hamilton. OK. Alors, j'ai aussi pas vraiment travaillé, mais t'as travaillé, parlé avec le directeur général de Hamilton et un ami de moi. Alors, je voudrais faire les deux pour faire des choses en entraînement et aussi avec des choses personnelles avec le directeur parce que je ne savais pas quelle façon je voulais être dans le basket et j'avais une bonne chance pour juste comprendre comment le ligue se fasse. Okay. Joël, est-ce que la ligue comme telle, écoute, ça mène ça, comme je disais à Annie Larouche ce matin, ça donne beaucoup de crédibilité le fait que tu es à Montréal, tu as accepté d'être le poste du directeur général. La ligue comme telle va être à quoi, sa troisième, quatrième année à peu près? Quatrième année. Quatrième année l'an prochain. Comment tu trouves la structure de la ligue? Alors, je pense que c'est une structure vraiment fort, OK. vraiment fort. C'est les dernières 2 années avec tout ce qui y avait avec COVID et c'est très très dur pour un lit qui n'est pas fort comme ça pour survivre. Alors, je pense que ça et avec ça, tu peux voir que c'est un très, très bon ligue et je pense que ça va être juste plus meilleur qu'avec d'autres années. Est-ce que le calibre comme tel, tu l'as vu, le calibre, c'est quoi? Tu es entre la G-League et l'Europe? C'est-tu aussi fort que la G-League, d'après toi? Oui. On a OK. des joueurs qui ont joué au G-League. On a des joueurs qui ont joué dans le NBA. Alors, 16. Il y avait 16 joueurs qui ont joué un match l'an passé, au moins. oui. Alors, le talent est là. Et je pense qu'il y a, parce que le temps qu'on a le Ligue, alors, je pense que c'est un bon temps pour d'autres joueurs veulent jouer. Alors, tu sais, dans l'été, il n'y a pas beaucoup de Non. basket du tout. Et c'est vraiment un bon temps pour eux pour jouer. Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup d'autres joueurs qui ont beaucoup de talent qui veulent jouer avec nous eux. Au niveau de la structure de la ligue, est-ce que tu sais, on a connu les Cavs, on a connu les Dragons de Montréal, on a connu bien des équipes dans le coin de Montréal et même à Québec. T'es-tu en mesure de confirmer que cette ligue-là est là pour rester? C'est-tu des gens qui ont des postes? C'est Mike Morreale, l'ancien joueur de la Ligue canadienne de football, qui est le commissaire. Donc, est-ce que tu es en mesure de dire, je pense que Drake est même dans une des équipes aussi. Donc, ça donne de la notoriété. Je pense que c'est. Là, vous avez un plan de match, un plan d'affaires qui est vraiment solide, je pense. On y va petit à petit, hein. Oui, exactement. C'est très solide. Et on a ajouté trois avec nous en Montréal, trois autres équipes. Alors, on est maintenant avec 10 équipes dans la ligue. Et je sais, il y a tellement de Québec. personnes. Ouais. Alors, il y a tellement de personnes maintenant qui veulent jouer, comme j'ai dit, dans l'été, c'est juste un très bon temps pour jouer. Les autres ligues, comme les clubs, les très grands, c'était dans l'hiver et c'est difficile pour avoir un bon ligue en ce temps-là parce qu'il y a trop, il y a tellement de ligues. Partout. Alors, il y a quoi comme 200 ligues de basket du monde. Alors, il y a beaucoup de basket à jouer. Alors, c'est difficile pour avoir des joueurs qui sont avec beaucoup de talent. Et aussi, il y a tellement de basket pour voir. Alors, c'est un peu plus difficile, mais comme j'ai dit, ce temps-là, c'est un bon temps pour jouer. Et aussi, juste pour le basket, cette année, maintenant, on a tellement beaucoup d'exposure pour la ligue, Instagram et la télévision. Alors, il y a tellement d'autres façons de toutes les Les contrats de absents télévision sont déjà compressés aussi. veulent le voir. OK. Joël, si on parlait un peu de ton rôle comme directeur général, c'est quoi en fait, là, ça va être la prochaine étape, ça va être d'engager un entraîneur. Est-ce que l'entraîneur est un Québécois? C'est sûr qu'à Montréal, c'est très fort. Là. Tu sais, on est à Montréal, on a un processus de directeur général du Canadien. Je ne sais pas si tu en as parlé un peu. Il faut qu'il parle français. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais est-ce qu'il va être francophone, l'entraîneur? Est-ce qu'il va parler français? C'est quoi ton plan de match? J'espère si on peut avoir un entraîneur qui parle français, mais c'est une équipe de Montréal, alors ça pourrait être bon pour tout le monde. Il faut que je trouve le meilleur entraîneur pour l'équipe. J'espère que je peux trouver un qui parlent français aussi, mais on va voir avec les différents candidats qu'on va chercher. OK. Tu donnes combien de temps, à peu près 2, 3 mois? Pardon? Tu te donnes combien de temps pour nommer ton équipe d'entraîneur? J'ai pas un date, mais c'est vraiment maintenant pas le seul, mais le plus un entraîneur, c'est maintenant, c'est mon première, et comme je dis, pas le seul parce que j'ai d'autres choses à faire, mais l'entraîneur, c'est le plus important. Je peux dire OK. ça, c'est le plus important pour nous parce que quand on a un entraîneur, après ça, on peut parler avec l'entraîneur pour savoir le style qu'il veut jouer et on peut avoir les joueurs qui vont aider notre équipe. Okay. Comment ça marche les joueurs, le repêchage? Est-ce qu'il y a un repêchage? Est-ce qu'il y a des joueurs québécois t'appartiennent? Comment ça fonctionne pour le recrutement? Parce que là, on est en pleine saison de la NCAA basketball, c'est commencé. Est-ce qu'il y a un repêchage ou encore les joueurs québécois t'appartiennent? On va chercher juste comme l'entraîneur, on va chercher partout. Je veux avoir des joueurs québécois parce que c'est une équipe Ouais. en Québec. Alors, il y a aussi beaucoup de talent en Montréal et j'espère que on va avoir les joueurs avec ce talent qui vont venir pour jouer avec nous. Alors, mais je vais se chercher, on va chercher partout, en États-Unis, en Ouais. Europe, tu sais, en Canada, dans les autres provinces. Et je veux, mais je veux les plus de. Les joueurs avec le plus de talent, mais c'est très, très, très important pour avoir des joueurs locaux parce que je veux qu'ils ont une opportunité pour jouer comme devant leur famille et les amis parce qu'on a même pas eu beaucoup de chance pour faire ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un repêchage dans la CBL? Y a-t-il un repêchage? Non, où les joueurs sont joueurs autonomes, toute la Je suis gang pas est sûr. intégrée. Non, c'est mon français. Ouais, un Je suis draft. pas Est-ce sûr. qu'il C'est y, quoi? est-ce qu'il y a un draft? Est-ce qu'il y a un draft dans le. Oh, ok. Oui, un reconnaissance. Oui, mais c'est juste le reconnaissance. C'est juste pour les joueurs Universitaire universitaire. canadien. Ouais. Alors le e-sport, on va avoir un reconnaissance avec les joueurs là. Et mais les autres vont être sur va être du Des joueurs free autonomes, free agency. agent, des free Oui, agents. OK. exactement, du free agent. Ben, on va te souhaiter, Joël, la meilleure des chances comme directeur général. On va suivre ce dossier de très, très près. Moi, je suis emballé parce que j'ai commencé à suivre cette ligue-là. On sait que les matchs sont à CBC. Oui. Charles Dubé-Brun, moi, je l'aurais très bien vu comme entraîneur-chef à Montréal, mais il est pris, il est à Ottawa. Oui, je sais. Ouais. Dernière question. Le journal Le Soleil ce matin avance que le Québec aurait une concession en 2023. Une rivalité Montréal-Québec, ce serait super, ça, dans la CEBL. Ouais, ça va être super pour avoir Pour le développement du basket et. deux équipes en Québec. Je sais, ça va être juste le plus mieux pour la province. Alors, OK. si on peut avoir ça, je pense que c'est génial. Okay, Joël, dernière question. Je vois en arrière de toi te porter les couleurs du Canada. OK? Oui. Le Canada, c'est une des puissances maintenant du football, du basketball collégial, pas du basketball collégial, mais du basketball tout court. Il y a du talent, tu sais, Andrew Wiggins, R.J. Barrett, Lamal Murray à Denver, Jamal Murray, c'est-à-dire. Il y en a d'autres. Bénédicte Mathurin qui est déjà classé au sixième rang en vue du prochain repêchage de la NBA. Donc, il serait pas impossible qu'il sorte dans les cinq premiers. Ce serait vraiment extraordinaire. Chris Boucher, Lugansdorf. Qu'est-ce qui manque au Canada? T'sais, ils ont un bon entraîneur, Nick Nurse. Est-ce que le fait que si tu te jouais dans une chimie, moi j'ai dit que le Canada a le potentiel d'être le meilleur des autres après les Américains. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est aussi fort que l'Argentine, c'est aussi fort que l'Espagne, c'est aussi fort que bien des. Je pense parce que c'est un différent jeu. Tu sais, quand les joueurs canadiens ils jouent aux États-Unis, alors c'est les meilleurs joueurs, mais c'est un différent style. OK. Alors, en Europe, en Sud-Amérique, il joue un style, c'est la même toujours. Et tous les joueurs, même s'ils jouent sur d'autres équipes, c'est le même style avec tous les autres équipes. Alors, les règles FIBA c'est toujours la même pour eux. Et ils sont alors. Quand il joue pour l'équipe nationale, rien change pour eux. Alors pour nous, même si on a beaucoup de talent, c'est un peu plus difficile parce que on joue même maintenant avec un style que on a joué pas pour les dernières comme 8 mois. Alors c'est un peu plus difficile, mais je pense que ça va juste prendre un peu plus de temps. Je sais c'est difficile pour tout le monde pour à attendre pour ce temps-là, mais on est presque là et je pense qu'on va avoir un très forte équipe qui va gagner beaucoup de jeux. OK. Est-ce que tu penses que les prochains Jeux en 24, le Canada va être là? Il n'a pas manqué grand-chose pour cette année. Est-ce que tu penses que c'est logiquement pensable qu'en 2024, c'est quoi? C'était Los Angeles en 2024? Oui, je pense que c'est définitivement passable pour eux. Alors, ils jouent maintenant les qualifications. Je pense que la prochaine va être en février. Oui, OK. C'est Et pour les Coupes du Monde, c'est pour le championnat du monde. oui, mais c'est juste, on prend un. Tu peux le dire en anglais, tu peux le dire en anglais, Joël? Step at a time. OK. Alors, ça veut juste prendre un peu plus de temps, mais on joue un jeu, un tournoi, et après ça, on va aller à la prochaine. OK. Ben Joël, bravo, félicitations. Je suis fort impressionné par ta nomination hier comme directeur général de l'Alliance. Un gars qui a joué 10 ans dans la NBA. Ça donne beaucoup, beaucoup de crédibilité à la nomination et à l'équipe. Et on va suivre les activités de l'Alliance de Montréal très prochainement. Merci beaucoup. Voilà, Joël Anthony, ancien joueur du Heat de Miami et des Knicks de New York, qui a été nommé instructeur-chef, plutôt directeur général de l'Alliance de Montréal. Merci beaucoup. De rien, de Merci rien, beaucoup, Joël. de rien. Merci. Non, c'est les vents. C'est Merci. beau, merci.